Comme il est de notoriété publique, la 6e action pan-nationale a commencé simultanément le 3 partout en Corée du Sud, sous les auspices de l'action pan-nationale extraordinaire pour la démission du pouvoir de Bakouné, afin de juger à tout prix, au nom de l'histoire, la sorcière de la Maison Bleue complètement abandonnée de la population. 2 320 000 Sud-Coréens de toutes les couches y ont pris part, indignés par l'effronterie de Bakouné, qui cherche à rejeter jusqu'à la fin la responsabilité des vices et corruptions sans précédent, en dépit de la protestation du public, tout en répétant les excuses trompeuses à l'égard de la population.